penser que tout avait un sens, que tout était figé. Penser que tout était important, que tout avait de l'importance. Oser les moindres choses que l'on faisait avaient un sens. J'ai cru que chaque détail avait son importance. J'ai cru que tout ce que l'on faisait prenait un sens. J'ai cru que tout avait un sens, que tout avait son importance. J'ai pensé que chaque détail avait son sens, que chaque geste avait de l'importance. J'avais en moi l'impression d'être important, que tous mes gestes étaient décryptés, que tout ce que je faisais avait une valeur dans l'immensité. Pourquoi penserais-je que tout a un sens? Pourquoi croire que nous sommes tous importants? Pourquoi avoir l'impression d'être au-dessus de la masse, de prendre de l'importance dans la crasse? Penserais-je que chaque particule s'articule autour d'une importance, autour d'un sens, de ce sens établi? Pourrais-je penser que l'important c'est de ne pas poser un sens sur l'importance, donner un sens à l'importance, mais quel sens à la potence? J'ai pensé que tout avait une importance, avait son importance, que chaque geste comptait, mais quand le temps a passé, n'est plus que passé, les souvenirs oubliés, l'histoire déformée, les souvenirs déformés, plus rien n'est important dans l'immensité.